l'Éternel, ô mon âme. Je louerai l'Éternel toute ma vie. Je chanterai mon Dieu tant que j'existerai. Je placerai en lui tout mon espoir. Ne vous confiez pas dans les grands de ce monde, dans l'homme qui ne peut sauver. Son souffle s'en va, il retourne.